Yo yo, Big Flo et Oli. La cour des grands, premier album, premier juin dans les packs. Demain c'est loin, je le sais, on me le répète depuis hier. Depuis gamin dans nos têtes, récite ses vers comme des prières. BTS, serpillère pour la plupart de nos potes. La fierté, cette sorcière nous nargue et referme des portes. On n'est pas dans le même bateau, mais on navigue sur la même mer. Et si on coule, c'est la même merde pour tous, pas de cadeau. Je peux mourir dans une seconde ou dans 50 piges, personne sait, la réponse me paralyse. Derrière la bite, je suis coincé, on y passera tous. La faucheuse menace ce monde à qui le tour. Si je meurs demain, accroche un miroir sur ma tombe. On skip, on se plombe, on skit. On regrette dans la seconde qui va garder le petit, qui va lui dire, personne on se cache dans l'ombre. Jacques Brel l'avait prédit, sacré visionnaire. J'appréhende le jour où le mot amour sera plus dans le dictionnaire. Emplis ta tête au présent pour pas te la prendre à l'avenir. L'école on la déteste, mais elle nous a appris à savoir l'écrire. Je vois pas de lumière au fond du couloir. Eux ne pensent qu'au pouvoir. C'est corrompu, remplissent les urnes avec nos mouchoirs. La politique, une boulimique de polémique, mais trop sincère. Pendant que je me dis que j'ai une vie de merde, j'râle pour du flic, d'autres vivent en guerre. Les plus paumés se réfugient dans la religion, croquent leur livre pour un fusil, le cerveau endormi par les cons. On est même plus étonné, fragile et seul, fallait s'en douter. Parfois je me dis qu'il faut un jour se perdre pour mieux se trouver. Trouver, retrouver l'espoir, ensemble faire le bien. Ici mine de rien, on bute pour un article ou un dessin. Jamais d'accord, pauvre contre riche, juif contre muslim. Moi ce pays je l'adore, à mode hip-hop j'écrirai toute l'hymne. On oublie qu'on est tous humains, trop tard. J'ai entendu un type dire le pop chien en regardant un clochard. Du haut de la tour de Babel paniqué, l'humanité se jetait. On nous a pris pour des cons, on a fini par croire qu'on était. Été comme hiver, on rêve d'égalité. Respire, au lieu de lever le point une manif, apprends à t'en servir. La pollution, les avions, le pétrole, cracher les stations. On imprime des banderoles en papier contre la déforestation. Putain, l'époque je me perds, l'avenir n'est pas clair et plein de barrages. Si d'immigrer le FN m'oblige à me plaindre et cracher ma rage. Là je nous rembête prêt à faire le radin même le jour de ton mariage. C'est la crise, sur un trottoir en ville j'ai croisé Marianne. Jalousie, hypocrisie viennent truquer le jeu. Nos rêves partent en fumée, c'est vrai, on a trop joué avec le feu. Sur l'échiquier le fou se prend pour le roi. Le cavalier se jetait de la tour et la dame dit que le pion n'intéresse pas. Gardons le sourire, le combat est quotidien. Pour que les enfants, des enfants, des enfants de mes enfants vivent bien. Moi ce monde je l'aime, les porter dans mon cœur tant de fois. On fera le bilan, le sourire aux lèvres, dans 10 ans, même heure, même endroit. Au même endroit, la rue comme sol, le ciel comme toi. On reste là, les minutes se confondent au moins. On n'a pas un rond, on porte des Reebok, des Nike, des Pumas. On rigole entre potes en pensant à ceux qui sont plus là. L'ennui nous teste, il nous suit et nous blesse gaiement. Je prie pour ce texte ne se transforme pas en testament. On enquête au-dessus des murs des tests. On peste, on encaisse, mais est-ce qu'on se déteste vraiment? Entre loups, on pense qu'à tirer notre coup. J'ai appris avec tristesse que les filles sont pas mieux que nous. J'ai voulu déclarer ma flamme pour étancher ma flemme. Car c'est facile de mettre un coup de lame, plus dur de dire je t'aime. On oublie nos points communs, on se trouve des différences. On se bouscule les uns les autres sur un grand bateau qui tangue. C'est chacun dans sa famille, on n'a pas tous la même France. On s'engueule sur nos origines en parlant la même langue. On se regarde de travers, on s'abîme pour un rien. Dites au père de Marine qu'il a fait pleurer le mien. Les jeunes aiment l'interdit, plongé dans l'eau du lac. Il m'a dit qu'il votait FN, il écoutait du rap, le rap. Du moins ce qu'il en reste, des menteurs et arnaqueurs qui se battent pour quelques pièces. Faudrait que ça s'arrête, beaucoup de nazes ne peut l'admettre. L'impression de porter une minerve, longtemps que je ne bouge plus la tête. Alors je ricoche pour le hip hop, coup de hache pour le double H, mon petit pote. Faut qu'on se taille mon gars, faut qu'on prenne large et je mijote. Un petit plat épicé, des rimes aiguisées pour scandaliser les types déguisés des murs de l'Elysée. On se lève à midi du matin, ouais c'est vrai qu'on fait tâche. La flemme d'aller en cours quand nos pères sont déjà au taf. Ouais, faut qu'on se bouge, poteau. V'là le topo, quand on se couche, on les touche trop tôt. On se la coule douce et la loose, on file ta blouse, on y va. Tous mollo, la terre, on la laisse pourrir, on la laisse mourir, oui on sait. On oubliera ce soir devant le dernier clip de Beyoncé. On ira danser sur ce sol qui se craque sous nos pas. C'est la faute des anciens, pas la nôtre, à la vôtre. Ouais, nous ça compte pas, Dieu, si t'existes. Je crois qu'on n'a pas compris le message. Des mares de sang, des mascaras, des massacres en masse sur notre passage. C'est ma religion d'abord, c'est la tienne qui a tort. Ils se tuent parce qu'ils sont pas d'accord de ce qui a pris la mort. La mort me guette, j'avance dans son ombre. Chaque pas m'éloigne de ma mère, me rapproche de la tombe. Mais j'irai découvrir le monde, déchirer ses frontières. Les vieux m'ont dit que j'avais le temps, leur vie m'a prouvé le contraire. Donc faut qu'on accélère, qu'on aspire l'air à la vitesse interstellaire. Sonner l'alerte et reste à terre, encore plein de choses qui restent à faire. Je suis prestataire de ce monde qui part en couille. On veut tous être capitaine d'un grand bateau qui coule. Faut qu'on aille dehors encore, qu'on arrête de penser qu'au sous. Qu'on arrête de se tirer dessus pour essayer de faire notre trou. Qu'on prépare nos cartes, car au prochain tour on joue. On devient tous marteaux car nos vies ne valent pas un clou. Faut qu'on s'accroche mon frère, ouais, faut qu'on tienne le coup. On sera pas à genoux, on tiendra jusqu'au bout. Ça nous mènera peut-être à rien, ouais. On le sait bien, c'est fou, mais inquiète-toi pour demain, parce que demain c'est nous.